Le comité préparatoire pour la Journée du Soleil est constitué le 3 avril à Helsinki, Finlande. Il a décidé d'organiser diverses cérémonies politiques et culturelles comme rassemblements commémoratifs, expositions de photos et de livres et séances de films à l'occasion du 15 avril.